Mais je pense que dans une démarche politique, c'est important parce que ça permet de comme on l'a vu dans le cas néerlandais, ça a permis de se mettre, de mettre les Verts avec le parti. En Autriche, s'ils ont eu le succès, par exemple, s'ils ont eu le soutien aussi prononcé des Verts, c'est aussi parce qu'ils ont su mettre en avant les points communs, enfin les points qui peuvent rapprocher le mouvement animaliste et le mouvement écologiste, par exemple. Voilà. Voilà. Oui, il y a le. Oui. C'est quoi déjà le nom? Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, ouais, mais je. Ouais, peut-être. Ouais. Après, bon, là, c'est assez différent de l'idée. Bon, là, eux, ils font pas de lobbying, par exemple. Après, je ne sais pas si vraiment. Est-ce que ça a vraiment renforcé la coopération dans le mouvement? Je pense pas. Ça, c'est juste une suggestion, mais c'est ce qu'ils ont fait en Autriche pour éviter que, voilà, il y ait des querelles d'associations, etc. Qui ferait le lien entre les deux mondes, ouais. Et qui pourrait aussi. Oui, bah ça, bon, il y aurait forcément oui, peut-être des réunions régulières, etc., bien sûr, ouais. Mais ça serait surtout une activité de lobbying, etc. Ouais. Voilà. Ouais. Tu n'as pas parlé du niveau local, des élections locales, par exemple, il va y avoir les municipales Ouais. qui arrivent bientôt. Enfin, moi, j'ai envie, ça fait un moment que j'ai envie, et maintenant, comme ça arrive bientôt, je dis, il faut qu'on fasse ou pas, mais de créer un parti, en fait. Pas forcément avec le même esprit que tu disais, c'est-à-dire que il me semble que intervention, tu parles surtout de créer des partis dans la perspective d'avoir un levier soit dans un parlement, soit au gouvernement. Mais il y a un autre aspect qui est créer un parti pour déjà concrétiser l'idée que la question animale est une question Oui, politique. c'est le rôle symbolique dont je parlais, Voilà. Et je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas en ce moment, vu que je pense que c'est très difficile d'espérer avoir une audience, enfin des membres qui puissent peser dans un parlement, en plus, comme tu disais, la structure au parlement français n'est pas la même qu'aux Pays-Bas. Même avec deux députés, on aurait très peu de poids. Et puis les deux députés, on ne les aura pas, parce que ça ne marche pas pareil, c'est pas la proportionnelle, etc. Moi, j'envisage ça plutôt, en tout cas pour le moment, comme étant l'aspect le plus important, c'est créer des partis pour faire parler de ça. Et pour en faire parler dans une perspective de la lutte animale, c'est une question politique. Et je pense pas non plus qu'il faille voir ça comme création d'un parti pour les animaux. J'ai vu dans d'autres pays des partis qui disaient parti pour les animaux, parfois parti pour les hommes, la nature et les animaux, ou souvent les animaux c'est au milieu, c'est la position la moins contrastée. Enfin bon, hein, c'est quand même censé être le parti pour les animaux. Qui est censé être fédéré avec les personnes qui sont pour les animaux, etc. Je pense que c'est un discours qui, d'une certaine façon, véhicule l'idée de séparation entre les humains et les animaux. Et que la chose. Enfin, je pense que si on crée un parti, il faudrait que ce soit clairement un parti pour les animaux, y compris les humains. Avec comme accent central, parce que personne d'autre n'en parle que nous, les animaux comme spécificité.

message en posant la manière dont on les aborde. Et je pense qu'il y a plein de monde à aller voir. Donc, nous, c'est important, c'est de créer un groupe de travail. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont motivés, qui ont des relais, et il y a moyen très vite d'avancer sur ce point. Donc, je ne sais pas qui fédère les actions, les conclusions, c'est pour nous, puisque c'est totalement ouvert, ça a été en Autriche, mais... Voilà. Mmh. Enfin, moi, ça me paraît, en tous les cas,

on a qui? On a personne. Pour eux, c'est ce qu'il y a de plus consensuel que de dire, oh, bah, je suis opposé à l'élevage, pour nous en bas plus. T'as vu combien de célébrités qui se battent? Ouais, mais je pensais un peu qu'on porte plus consensuel, pas lié forcément aux animaux des non, mais ça, pour nous, enfin, je veux dire, tout le monde, il y a 80% de la population qui est contre l'élevage en bas. Enfin, je veux dire, c'est un sujet consensuel aussi, tout comme sur les animaleries, chez les célébrités, t'aurais moins de consensus, par exemple, sur les animaleries, sur la vente des animaux, des chiens, machin, ils les achètent là-bas. Donc, pour pas dire, ça, non, moi, je vois chez moi, mais ça peut être étonnant, je pense que je vais faire des animaleries, mais pour l'habitude d'acheter des animaux. Donc, est-ce qu'on pourrait pas déjà, parce qu'on pourrait déjà imaginer, bon, je pense que quelqu'un comme Émeric Caron, par exemple, ben oui. Ou quelqu'un comme Henri-Jean Servat, ou je sais pas, oui, ou... des gens comme ça, je vois pas pourquoi ils diraient non, surtout qu'ils le font déjà, ils ramènent déjà dès qu'ils peuvent cette thématique-là dans leur boulot, ils le ramènent eux-mêmes publiquement. Dans leur boulot, ils peuvent parler des assos, tu les as associés avec quelqu'un pour l'instant. Mais est-ce que est-ce qu'on aura peut-être pas plus Ça y est, là, le soutien jeudi Veggie. Ouais. C'est un début. Après, c'est un début. Mois de négociation. Ouais, c'est un début. Quoi. C'est parce qu'il y a d'autres gens à côté de nous. Parce qu'il y a pas bien sûr. Henri-Jean Servat, quand j'avais sollicité pour les journées mondiales végétariennes, il était d'accord. Ouais. Le seul hic, c'est qu'il n'était pas végé complet. Donc nous, comme il nous fallait voilà, à l'époque végé complet, non, mais donc, aussi, il était complètement partant. Il est partant pour tout. Voilà. Donc, il n'est pas très connu. Parce que là, la difficulté, c'est le fédérer, mais c'est pas nouveau. Dans l'industrie, comment ça se passe? Soit ils se fédèrent tous, ils arrivent à se comprendre, ils ont une fédération, ils se retrouvent régulièrement. Soit ils n'arrivent pas à se fédérer, ils sont trop nombreux. Soit il y a quelqu'un qui fait une étude de marché, d'habitude un consultant, qui la propose à tout le monde, et qui dit dans cette étude, il y a tout l'avenir de votre industrie. Et en fin de compte, tout le monde l'achète. Et in fine, ce consultant, puisque tu as écrit un livre, qui a fait cette étude de marché, la crédibilité, pour initier une réunion globale de la fédération, apparemment, il y a le savoir qui intéressera l'ensemble des adhérents. Vous pouvez très bien vous lancer votre étude de marché sur la condition animale et informer les autres associations que vous faites ce travail de manière neutre, comme un consultant, et vous leur mettez à disposition si ça les intéresse dans un deuxième temps, ce qui est beaucoup plus facile. Donc l'industrie, il y a les deux méthodes. Soit c'est noyé parce qu'ils sont peu nombreux et très fortunés, soit c'est une activité extrêmement dispersée, soit c'est deux consultants qui font le travail et qui revendent. Ça vaut 2 500 € une étude. Quand vous êtes sur une activité, je ne sais pas, vous faites du garrot, vous achetez une étude, c'est 2 500 €. Il y a des cabinets spécialisés là-dedans. Et à ce moment-là, le cabinet fait un mailing à toutes les entreprises en disant l'étude est finalisée, il y a 300 pages, manifestez-vous. Donc vous pouvez très bien le faire de cette manière-là. C'est-à-dire, on a fait une étude, bien sûr, elle est gratuite, et les gens qui participent ne sont pas payés, etc. On a fait une étude, on a plein d'éléments de réflexion intéressants. Il se peut qu'il y ait pas mal d'associations qui la misent, qui s'y intéressent, et dans un deuxième temps, qui essaient de réunir. Avec les membres de l'équipe, pour échanger sur tous les benchmarks que vous avez découverts, tous les éléments à travers le monde, toutes les propositions. Une fois de plus, attendre tout le monde, ça ne marche pas. Il faut un petit groupe qui avance et ensuite tout le monde s'agrège parce que ça avance. Si vous voulez que tout le monde bouge en même temps, regardez dans les manifestations, vous avez un petit groupe de gens qui sont en marche. Et si vous attendez que tout le monde se mette en marche en même temps, vous allez bouger. Est-ce qu'en pratique, 2 500 €? Qui est-ce qu'on finance? Moi, je parle du privé, je parle pas de vous. Non, mais même un privé, une étude de 1 500 €, une étude d'urbanisme, ça coûte 30 000 € pour une petite commune. Donc, 2 500 € ça me paraît bien. Donc, l'étude d'urbanisme et l'étude précise sont en plein pour 1 000 000 € qu'on a besoin. L'étude de marché, c'est une étude qui peut toucher 100 000 entreprises en France. Donc, 100 000 fois 2 500 €, ça fait une fortune. Et ces études de marché, c'est le prix d'achat d'études. Chaque exemplaire. L'Office français du commerce extérieur, une étude sur l'industrie de la chaussure en Pologne, de 1 500 €. Et chaque industriel de la chaussure qui veut investir en Pologne va acheter l'étude de 1 500 €. Mais elle est à disposition, mais on ne sait pas qui va l'acheter. Mais elle a été finalisée. Mais pour la faire, d'accord. Qui a fait l'étude? Chacun a sa méthode, soit c'est un consultant qui est riche, soit c'est un organisme comme l'OSE, l'Office français du commerce extérieur, soit c'est un groupe de gens qui se mobilisent parce que vous avez des affaires. Vous êtes bénévole, donc vous ne pouvez pas facturer. Et je vous dis simplement comment ça marche dans votre domaine, et ça marche très bien. Je vais avoir acheté des outils de marché, je sais que c'est une excellente solution. Ouais. Un groupe de personnes qui y croient et qui diffusent l'information, ceux qui connaissent. Vous connaissez toutes les associations, bah, faites l'étude et proposez-les. Tu as démarché sur la position. Non, l'industrie appelle ça une étude de marché. Vous savez, une étude, c'est un état de la cause animale. Situation à l'heure actuelle. Quels sont les freins? Prendre un exemple. Une méthode, mais il faut pas la mettre sur un tableau. Il y a des études de travail sur ce qui existe en France, les benchmarks sur les pays, le contact avec les associations, une formule avec des différentes thèmes de travail, et ensuite les structurer dans un mémo. L'étude, à chaque fois qu'elle est achetée par une entreprise, est facturée 2005. Donc, si c'est une grande entreprise qui demande une étude dans le cabinet, elle peut être plus aidée, puisque c'est un pour un cabinet qui est payé. Mais voilà comment ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et est-ce qu'on veut transposer les méthodes de l'entreprise? On n'est pas convenu de la société. Posez-vous d'accord. Je comprends qu'il faille récupérer certains éléments, mais là, transposer les allocations, même d'un point de vue éthique, il peut y avoir des problèmes au point de vue. Non, mais je pense qu'un bilan, ça peut être pas mal, parce que enfin, là, on discute par exemple de faire interdire, enfin, même ne serait-ce que d'avoir une idée précise de comment ça fonctionne, comment on fait passer une loi, là, toutes les luttes qu'on a par exemple sur les animaux d'élevage, enfin, c'est au niveau européen que ça a commencé, et donc au niveau français, on peut en combiner presque rien d'obtenir. Il y a pour l'instant des roues qui sont identifiées plus ou moins vraiment et c'est vrai qu'on les connaisse précisément. De façon à dire, bah non, là tout de suite, là, c'est pas possible, mais peut-être si on a tel prérequis, ça pourra valoir le coup d'y aller. Quoi. Plutôt dans cette optique-là. Mais ça me paraît tellement vaste aussi comme demande, c'est énorme. Quoi. Parce qu'on va du chien, du chat, jusque. Jusque ça va être un domaine du chien, de manger les espèces sous la fourrure en France. Quoi. Tous les fourreurs ont une étude de marché qu'ils ont payé sur le potentiel du marché de la fourrure en France. Eux, ils payent. Et ils font faire. Vos amis utilisent, enfin, nos amis utilisent des méthodes qui marchent très bien. Nouer, etc. Oui, ils font de l'argent, ils font de l'argent. Moi, je pense que ça serait bien de le faire au niveau OPTA. C'est-à-dire une étude de marché sur l'état de la condition animale. Eurogroupe fait ça chaque année. Eurogroupe pour animaux, ils font ça à peu chaque année, ils font un bilan de l'état. C'est peut-être pas si précis qu'ils font une, enfin ils font un boulot qui est vraiment bien précis. Hein. Sur l'ensemble. Ouais, sur l'ensemble des pays. Ouais. Et on n'a pas avoir accès à ça? Généralement, non. C'est les membres de l'Eurogroupe. Donc en gros l'année prochaine il faudra inviter les mecs de l'Eurogroupe quoi, hein, qui nous disent comment ils ont fait au départ. Mais là, je pense que l'idée dont il parlait, c'était là, c'est un exemple qu'il donnait pour, dans l'industrie, mais que nous, ça serait pas un truc payant, ça serait des militants qui ont les capacités de faire ça, oui, les connaissances nécessaires, qui feraient comme une étude de marché, mais.